au sport. Dans la Ligue de soccer juvénile masculin Division 2, Louis-Saint-Laurent affronte École Montignac à Louis-Saint-Laurent le 26 mars à 18h.